Comme à tous les lundis à cette heure-ci, eh bien c'est le moment de la chronique technologie d'information avec Raymond Poirier qui est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société à l'Université Laval. Raymond Poirier, bonjour. Bonjour Tania. Alors aujourd'hui, on reste encore dans le domaine culturel et on parle d'initiatives de médiation culturelle qui sont liées au numérique. Oui, ben en fait, je me suis rappelé avoir vu l'automne dernier un rapport, un livre du patron de la Smithsonian Institution, qui est un musée quand même très renommé, une institution muséale très renommée du côté des États-Unis, où il se pose un peu les questions sur la stratégie numérique des musées, et ce faisant, ben, ils mettent de l'avant leur stratégie numérique à eux, disant que, essentiellement, les musées, les institutions culturelles, de manière générale, doivent se préparer à accueillir ceux qu'on appelle les digital natives, donc ceux qui sont nés avec les technologies, qui les utilisent quotidiennement, qui grandissent avec ces technologies-là, eh bien nécessairement, c'est ce que le patron de la Smithsonian dit, ben quand ils vont arriver dans les musées, ils vont vouloir utiliser ces outils-là pour justement appréhender le monde, pour appréhender ce qu'on aura à leur proposer. Ceux, par exemple, qui comprennent pas qu'un écran n'est pas tactile par défaut. Exactement. Cette génération-là, OK. Et ce qu'il dit, en fait, textuellement, c'est aujourd'hui, le numérique est omniprésent. Son utilisation, en particulier par la jeunesse du monde, est universelle. Ses possibilités sont vastes et chacun dans nos institutions éducatives et culturelles essaie d'imaginer comment en faire le meilleur usage. Il est obligatoire que les musées et les bibliothèques et lieux d'archives rejoignent les établissements d'enseignement pour mieux utiliser les potentialités de la révolution technologique. Alors, ce qu'il dit, c'est que, selon lui, les musées s'adaptent, mais ça va peut-être un peu trop lentement. Donc, on manque peut-être de vigueur, qu'on manque peut-être de motivation, ou qu'on manque peut-être de ressources aussi. Oui. Et parallèlement, ce qu'ils disent, c'est qu'une fois que ce virage-là va être fait ou va être entamé, eh bien, nécessairement, les institutions muséales, les institutions culturelles vont être plus en mesure aussi de remplir leur charge d'éducation parce que ils vont justement délocaliser leurs ressources, ils vont délocaliser leurs collections, ils vont délocaliser cet accompagnement-là pour aller rejoindre les jeunes d'aujourd'hui là où ils sont, et pouvoir ensuite peut-être aussi les amener vers le lieu physique. Donc, c'est déjà quelque chose qui est en branle. Je pense qu'on le voit dans les expériences qui sont menées ici à Québec au Musée de la civilisation, qui sont menées au Musée des beaux-arts. Il y a un souci de plus en plus présent pour ce type de médiation-là. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est oui, il est présent, mais il doit l'être plus. Mais on sent que ça commence, mais encore là, être un musée, se dire, bon, je dois prendre le virage numérique... Pour faire une exposition régulière, on sait comment faire, mais pour transposer le tout en numérique, il y a moins d'informations qui circulent. On sait peut-être pas comment faire là. C'est pas habituel. Mais en fait, c'est tout le processus de numérisation des collections qui a son lot de complexité. Oui. Parce que essentiellement, ce qu'on dit, c'est on prend des objets qui existent déjà dans un médium, mais maintenant, il faut les amener dans un autre médium. Du côté de la Smithsonian, on parle d'à peu près d'archives qui représentent 14 millions d'objets qui sont en train d'être numérisés sur une collection de 137 millions. Donc, c'est quand même énorme. Oui. Donc, ce qu'on dit, c'est regarder, cette numérisation-là est nécessaire pour la Smithsonian pour maintenir une empreinte nationale ou une empreinte internationale. Ce qu'on dit, c'est, et je cite encore M. Wyncliffe, il dit « Le livre nous a donné l'occasion de dialoguer avec d'autres musées, de promouvoir cette idée. » Et maintenant, ben, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que la prochaine étape de ce dialogue-là, et un dialogue qui sera peut-être encore plus large, c'est justement de prendre des objets et de les rendre disponibles sur la toile. Il y a déjà des expériences assez intéressantes qui sont faites. Je pense l'exemple de la Library of Congress aux États-Unis. Eux, ils ont pris, je pense, plusieurs centaines d'objets, peut-être 300 ou plus, de documents. En fait, des documents officiels, documents d'archives. Et ils ont carrément mis sur Flickr. Dans le cas des musées, ben ici, à Québec, le Musée des beaux-arts a pris ses collections, les a numérisées, les a rendues disponibles sur le site web. C'est encore là généralisé. Mais ça reste des parties de collection, ça reste aussi, sinon, des bons défis. Donc, comment les transposer? Et une fois que c'est numérisé, c'est l'autre question, comment les mettre en valeur? Parce que, oui, il faut les rendre disponibles, mais il faut les animer aussi. Oui, mais on se pose la question aussi, si tout est disponible sur Internet, comment on va faire pour faire de l'argent, pour rentabiliser le musée? Est-ce que c'est l'objectif de rentabilité? Est-ce que ça rentre un peu là-dedans? C'est l'objectif d'éducation? Est-ce qu'il devrait avoir des financements pour ça? Est-ce que faudrait modifier les coûts, les abonnements et le reste? Ça, c'est des grands débats. Ouais. Qui sont amenés, en fait, effectivement, par le nouveau modèle qui est le numérique. Donc, comment on peut rentabiliser ce modèle-là? Et ça, effectivement, nécessairement, ça sera parce que c'en est déjà une, en fait, parce que dans certains cas, c'est une question de budget. Si le son ne se répond pas aussi rapidement qu'on aimerait le faire, Ben, de quelle manière, justement, on va pouvoir pallier à ce problème-là? Ça, c'est une grande question. Et l'autre grande question, c'est de quelle manière on va pouvoir développer des outils qui fonctionnent, des outils de médiation culturelle, pour pouvoir les pousser. Et encore là, ben, ils ont développé des systèmes, des mécanismes entre musées, par exemple les musées au mix. Donc l'idée qu'on se réunit donc pendant, je pense, à Québec l'automne dernier, donc on fait un 48-72 heures, on réfléchit, on développe des projets de médiation culturelle liés aux technologies, qu'on propose des outils libres qu'on développe. Donc ça devient des bassins d'idées qui après ça peuvent mener à d'autres types de développement. C'est assez intéressant comme type d'initiative. Et en même temps, ça développe d'autres approches de médiation. Si je prends l'exemple d'un projet, bon, qui n'est pas lié au musée au mix du tout, qui est à Lille, en fait, qui s'appelle le vase qui parle. Et essentiellement, ils ont pris un vase antique, donc grec, et ils ont fait une version immense de ce vase-là, mais une version numérique. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut ensuite arriver donc sur ce vase numérisé-là et pointer des ondes avec un pointeur laser. Selon l'endroit qu'on pointe avec le laser, ben ça amène des scénarios d'interaction, ça amène des scénarios de médiation. Et là, subitement, on a quelque chose de totalement autre comme expérience. Donc, on peut dialoguer carrément avec l'objet. Wow. Et donc, plutôt que d'avoir des cartels, ben dans le fond, on a un accompagnement audiovisuel. Donc, on a comme tout mélangé. Au lieu d'avoir, comme tu dis, l'audio guide, d'avoir la visite, d'avoir l'objet, ben là, on a tout en un. Exactement. Mais toujours dans l'optique où, et ça, c'est le grand défi de la médiation technologique, c'est qu'on ne fait pas des gadgets. Il faut que ce soit l'objet qui soit au centre. Il ne faut pas que ce soit la technologie qui soit mise de l'avant au dépens de l'objet qu'on cherche à mettre en valeur. Oui, c'est un autre défi, là. Et en même temps, le numérique permet aussi un autre exemple de projet, ça s'appelle Pure Land. Ça, c'est un projet qui est mené du côté de la Chine. C'est, dans le fond, un temple, un lieu des cavernes millénaires qu'on peut pas visiter, évidemment, sauf que ce serait pas très, très stratégique. Et de quelle manière on peut rendre accessible ce lieu-là? Bien, évidemment, au départ, c'est par la photo, la panophotographie, les photos à 360 degrés. Mais par contre, si on regarde, par exemple, des sites d'images à 360 degrés et patrimoniales sur notre appareil Internet, sur notre navigateur web, eh bien, il nous manque l'aspect immersif. On n'est pas dans le lieu, on est extérieur au lieu, on l'observe dans une bulle. Et donc, c'est l'idée de prendre cette bulle-là, de prendre ce lieu reconstitué-là et de le refaire en vrai, mais avec des projections, avec encore là des stations pour téléphone, tablette, etc., pour favoriser des démarches d'interaction. Mais c'est un peu sur le principe, bon, c'est boiteux un peu, là, mais d'un planétarium où on a de temps en temps des projections au plafond, ça nous donne un peu l'impression de regarder directement le ciel alors que c'est des projections. Exactement. Et là, dans le fond, le planétarium peut être utilisé pour projeter un lieu. Au même titre qu'on peut aussi reproduire un lieu avec des aspérités ou un lieu à 180, 360 degrés et projeter des images, projeter une réalité virtuelle de ce lieu-là, une réalité immersive de cet endroit-là pour donner l'impression aux gens qui se déplacent. Parce que c'est ça le grand défi des simulations, en fait. C'est si tu te déplaces pas dans le lieu, si faut que tu utilises une manette pour te déplacer, que toi tu restes fixe, il n'y a pas d'immersion. Parce que c'est le lieu qui se déplace autour de toi. Il faut que tu puisses marcher dans l'endroit pour ressentir l'esprit d'immersion. Et là, ça fonctionne. Et là, ça marche. Donc, c'est toujours le grand défi. Mais Raymond, je me pose une question. Est-ce qu'il y a quand même de l'intérêt à faire une visite virtuelle pour le consommateur, pour la personne qui veut découvrir des choses, qui veut soit aller au musée ou visiter une grotte? Est-ce qu'il y a quand même un intérêt commun de se promener dans un lieu qui, finalement, n'est pas réel? Mais dans la mesure où peut-être qu'on n'a pas accès à ce lieu-là, ouais. De manière générale, en fait, peut-être qu'on aurait accès à des zones auxquelles on n'aurait jamais accès. Peut-être que si la reproduction est bien faite, on a réussi à capter l'esprit du lieu et on va avoir une visite qui sera différente de la visite réelle de l'endroit. Peut-être qu'on peut le préserver à une certaine époque. Peut-être qu'on peut faire une évolution historique. Donc, il y a des possibilités qui sont pas nécessairement présentes dans la réalité pour faire une expérience qui nécessairement va être différente de la réalité, mais donc va nous donner des accès peut-être privilégiés, peut-être des dialogues privilégiés, peut-être une interprétation de... Donc, ça reste nécessaire, mais encore là, c'est sûr qu'il y a toujours la question, si lui existe, est accessible, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Probablement moins. Par contre, si on parle, comme dans le cas de Pure Land, de cavernes qui sont inaccessibles pour le commun des mortels, eh bien là, ça devient intéressant pour les gens d'avoir cet accès-là. Mais il y a des musées virtuels aussi qui prennent de plus en plus de place. Oui, en fait, puis un premier même musée qui serait uniquement numérique. Je suis tombé là-dessus tout récemment via le Club Innovation Culture. C'est à Pechica, au cœur de la Roumanie, il y a un musée qui ambitionne donc de fusionner art, technologie et architecture, un musée numérique qui n'abritera aucun objet réel. Donc, ça va être plutôt rempli donc d'écrans tactiles, de tablettes, de projections et autres. Et ils vont donc reproduire des expositions de manière entièrement virtuelle, que ce soit des emprunts à d'autres musées, de ces collections qui sont numérisées là, que ce soit des éléments développés spécialement pour ça. On ne sait pas encore exactement à quoi ça va ressembler, ça reste encore à l'étape de projet, mais on en est peut-être un peu rendu là où, du moins, bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de musée ou plus de simplement de lieu d'interprétation? La question peut se poser, on s'entend, mais reste qu'on est rendu à la possibilité donc d'utiliser la richesse des éléments qui sont déjà disponibles pour les magnifier, pour les projeter, pour les proposer et pour permettre à quelqu'un qui n'aura peut-être jamais les moyens de se rendre au Louvre, de se rendre de se rendre dans des grands musées américains, de se rendre à Smithsonian, de voir et de vivre ces musées-là ou de vivre des lieux qui sont, pour des raisons budgétaires, complètement hors de sa portée. Mais si on extrapole, on pourrait venir à créer l'espèce de musée, le musée mondial, où on retrouverait toutes les collections de tout. Et à l'image d'un musée, les salles d'exposition pourraient être carrément des pièces du musée, par exemple. Dans cette salle-là, on retrouve tout ce qu'il y a au Louvre et quoi que ce soit. Donc, on aurait un unique musée pour tout ce qu'il y a sur Terre. Mais par contre, il faudrait que ce musée-là, physiquement, se retrouve à différents endroits. Ouais, pour qu'on y ait accès autrement que purement avec notre écran. Parce que la réalité de l'immersion, c'est qu'il faut être dans l'immersion physiquement pour être immergé dedans. Donc, ça prendrait... À moins qu'on tombe avec des trucs 3D et qu'éventuellement, des technologies de projection fassent qu'on va pouvoir être chez nous avec un immense écran, avec une projection 3D dans laquelle on va pouvoir circuler. Mais là, peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans, on sera rendu ailleurs, mais au stade où on en est présentement, on a quand même besoin de lieux physiques pour présenter ou offrir le numérique. Bon, si on veut offrir une expérience immersive. Laisse-moi rêver à mon musée universel. Mais en terminant, Raymond, des initiatives comme ça qui utilisent le numérique, à Québec, il y en a quand même, là. À Québec, il y en a. On parlait du musée de la civilisation tout à l'heure. Il développe des expos virtuelles. Il y a des applications qui accompagnent des expositions qui présentent. Au Musée national des beaux-arts, ils ont numérisé leur collection. Il y a des applications. En fait, la ville, en collaboration avec l'Université Laval, la chaire patrimoine ethnologique du Canada, on en avait parlé un peu, qui a lancé une application qui s'appelle Découvrir Québec, qui intègre le patrimoine de manière différente. Donc, il y a beaucoup d'initiatives localement, comme il y en a partout ailleurs, pour essayer de trouver des manières originales de mettre en valeur le patrimoine et de le faire vivre au public. Raymond, sur le site de l'ITIS, est-ce qu'on retrouve différents liens qui nous apportent des précisions là-dessus, qui nous montrent, par exemple, les projets dont tu nous as parlé? On peut aller faire un tour, notamment dans les revues de presse, en parcourant, surfant un peu sur le site itis.ulaval.ca. On va trouver quelques éléments, c'est pas mal certain. Et on retrouve aussi les chroniques qu'on réalise ensemble à tous les lundis. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et toi-même, virtuel, on se retrouve la semaine prochaine en studio. Exactement. Merci, au revoir. Bye-bye.